des aliens, le KGB et Harrison Ford en déambulateur, cette semaine on a maté Indiana Jones 4 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps pour ça, j'ai matériellement pas le temps pour ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu, aujourd'hui consacré à Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, un film de Steven Spielberg, réalisé en 2008, qui dure 123 minutes, c'est un scénario de George Lucas. Il y a Harrison Ford dedans, si. Il y a aussi Cate Blanchett, il y a Karen Allen, et il y a... comment il s'appelle? Shia LaBeouf? Comment? Shia LaBeouf. Ouais. Shia LaBeouf. Aujourd'hui pour en parler avec nous, Michael, bonsoir. Bonsoir. Ça t'a plu Indiana Jones? T'as passé un bon moment? Oh, non, pas tellement. Non, bon. Avec nous également ce soir. Je réponds. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Ça va Antoine? Ça va très bien. Ça t'a plu? Non. D'accord. Sinon moi ça va aussi. Enfin, je le dis au passage. Il s'en fout en fait. Et ce soir avec nous, Julie, consultante Steven Spielberg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Je te demande pas si ça t'a plu, hein. Non, c'est pas la peine. Non, ça t'a plu. Bon, bah alors bande annonce. Touche à rien surtout. Montez ! Bien petit génie. Pas de l'action, hein. Plus vite ! Oh, ça pète. Plus vite ! Alors voilà, la bonne annonce, on sait qu'on va avoir du temple, des poursuites, de la musique, et Harrison Ford, hein, c'est la ça. La castagne. Hein. Ouais. Quelqu'un fait un petit résumé? Ah non mais attends, déjà avant de commencer, on va quand même souhaiter la bienvenue à Julie. Bah oui. Hein, oui, bienvenue Julie. Bienvenue. Ouais. Tu remplaces Micheline. Chaque semaine on alterne, c'est normal. Qui fait ce petit résumé alors? Julie? Ah, faire un résumé. Ah bah Julie, tiens, pour commencer. La dame du feu. Voilà. Oui. Donc on retrouve Indiana Jones quelques années plus tard, un peu vieux et fatigué, mais qui est toujours dans l'aventure, et on va le suivre pour une nouvelle quête, qui ne va pas s'avérer toute simple, puisqu'il va y rencontrer de nouveaux comparses, dont un possible nouvel allié. C'était un pari d'employer le mot comparse ou voilà, et il va se mettre en quête dans... comme le titre l'indique, de crâne de cristal. Ouais, on se doutait bien qu'il allait chercher des trucs bizarres dans des temples. Ça, exactement. C'était évident. Ça change pas. Voilà. Mais en même temps, on s'attendait pas à ça quand même, hein, il faut dire. Non. Qu'un objet, enfin, je veux dire, c'est l'artefact nul. Enfin, c'est un truc en plastoc. L'artefact, c'est un pari aussi, ça. Et je sais pas, c'est vraiment le crâne, c'est le crâne de plastique. Et ça aurait pu s'appeler Indiana Jones, c'est le crâne de plastique. Et le truc, on dirait du merchandising, quoi. C'est vraiment pour le vendre. Ça a l'air d'être un objet que tu mets dans ton salon. C'est... Qui en a acheté un? Qui en a ici? J'en ai vu à la foire fouille, moi. J'en ai acheté 4, moi. Mais il en faut 7, sinon il se passera rien. Non, mais tu sais, t'avais l'arche de perdu qui était un énorme truc doré. T'as le Graal, c'est quand même le gobelet de Jésus, tu vois. Tu peux pas faire mieux. Et là, c'est le crâne d'un extraterrestre. C'est en plastoc transparent, mais le gars a craqué complètement, quoi. Ça va être expo d'art moderne parisienne, en fait. Enfin, ouais. Tu sens que ça va être au milieu d'une pièce et que et voilà. Bah, tu peux enlever art, en fait. Non. Donc, le film s'ouvre sur une séquence. Déjà, il y a de la bagnole à fond. Il y a de la bagnole à fond. Juste pour commencer, juste en guise d'introduction, parce que moi, j'ai eu un problème, encore une fois, ça m'arrive toutes les semaines. J'ai emprunté le DVD, et en fait, j'avais le DVD de Rencontre du Troisième Type 2. C'était pas Indiana Jones 4. Donc, ça s'ouvre, on est vers Roswell, c'est ça, hein, au Nouveau-Texas, et il y a des... bases secrètes. Ouais, je pense que c'est Roswell. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais souligner, alors ça, c'est très très private joke, hein, ça va, on va m'en vouloir, mais c'est la musique de ton répondeur, Michael. De mon ancien répondeur, ouais. Exactement. Bah, justement, je me suis dit, un film qui commence avec un Hound Dog de Elvis Presley, ça peut être que cool, bah, je me suis trompé. c'est pas vrai. Donc ouais, c'est une base américaine. Ouais, je peux la faire mon intro ou ça Voilà, donc il y a des voitures et des jeunes qui sont pas très contents ou qui sont très très contents. Moi, j'aime bien très, très, très vite. Oh là là. Et donc ils arrivent à la base de Roswell et là tac tac tac attaque de Ruskov. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même la base secrète des États-Unis la moins gardée au monde? Puisqu'il n'y a aucun. Oui, il y a une barrière. Oui, il y a un portique barrière automatique. Et quatre gardes. On est dans les années 50 contre, aussi, hein, tu vois, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut parler des quatre jeunes qui sont dans cette voiture et qu'on ne revoit jamais, du coup? Mais moi, je vais aller revoir au troquet. C'est les mecs de la fac. Et tout. Au troquet. C'est à Paris encore, ça. Ceci dit, ils sont tous morts de rire. Ils roulent comme des déglingos. Le gars, il prend trop de risques et les meufs à l'arrière sont. C'est trop drôle, vas-y, fais-nous peur. Alors qu'ils ont failli mourir 5 fois, ça, j'ai pas rien compris. Ouais. Surtout, ouais, quelle idée de se balader vers une. Bah oui, vous dans le désert. De toute façon, vu comme c'est protégé, il n'y a pas grand chose. Mais surtout que c'est censé être le lieu le plus important. Enfin, où on stocke les choses les plus importantes, on va s'en apercevoir très alors vite. C'est ouais. Pareil, j'ai un petit problème aussi, c'est les Américains, dans la même base, ils vont mettre toutes leurs archives, tous les artefacts les plus rares au monde et les plus chers. Et des crânes de à côté de l'endroit, ils vont faire des essais nucléaires. C'est juste hyper con, quoi. Bon, voilà, donc on avait le choix entre les nazis et les Russes. Là, il se trouve qu'on a les Russes, parce que faut varier de temps en temps. Ouais, avec plaisir, ouais. On a les Russes qui désignent tout à l'entrée, et ils sont à la recherche de quelque chose, et il y a notre ami Indiana qui arrive, tac, tac, tac, avec la musique. Il arrive avec la musique ou pas au début? Ouais, c'est un petit fond sonore. De toute façon, la musique s'arrête jamais, donc il y a forcément de la musique au moment où il est là. Moi, les méchants, ils m'ont fait penser à des méchants dans Tintin. Par les moustaches, le plexiglas, tu vois, c'est vraiment les méchants russes avec l'accent et tout. Ouais, ouais. Et donc, on apprend Vas-y. Non, mais juste une petite remarque, je trouve qu'elle était quand même pas mal jeune, Brigitte Fontaine, quoi. T'es surpris. Et on apprend qu'ils recherchent un truc, hein. ils sont vénères, hein. Sinon ils n'auraient pas désingué tout le monde à l'entrée, ils veulent vraiment choper un truc et on ne sait pas encore ce que c'est. Bah, le crâne de plastique qu'il y a dans la bande annonce. Ah non, pas tout de suite. Non, on le sait pas tout de suite. Mais bon, ils sont bien à la recherche de trucs. Donc Indiana Jones arrive, hop, il se fait choper directement, et bah coup de bol, hein, quand t'as Indiana Jones. Il se fait choper directement parce qu'en fait il l'avait dans le coffre. Elle l'avait dans le coffre. Ah bon, oui, j'ai pas vu ça, je regardais rien. Et donc forcément, attends, c'est plus facile de trouver un truc. Tu l'as maté en combien de fois, celui-là? En deux fois, celui-là. C'était dur quand même. Oui, c'est plus facile de trouver un trésor quand t'as Indiana Jones dans ton coffre, hein, pour le coup. Et donc, bah, il va chercher ce truc, et puis il se rend compte que, voilà, il est ultra magnétique et que. Attendez, moi, il y a un petit truc aussi qui déçoit tout de suite quand t'as vu les trois premiers Indiana Jones. Très vieux. Ouais. Alors, il y a des scènes où il a un peu mal au dos et tout, mais bon, pendant le film, globalement, ça va en termes de forme. Il est plus costaud que mon père. Bah, je sais pas, parce que des fois, il descend des escaliers, tu vois qu'il lutte, il galère. C'est surtout qu'ils l'ont fait très maladroit, on dirait vraiment le Benny Hill Indiana Jones. Il fait que se planter, quoi. Mais il y a surtout un rôle taillé pour Pierre Richard. dès le début du film, la russe, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle a des pouvoirs. Natacha, probablement. Non, on croit qu'elle a des pouvoirs. Elle veut faire croire qu'elle a des pouvoirs, mais en fait, elle n'y arrive pas du tout, d'ailleurs. Moi, j'y ai cru. Et Antoine aussi y a cru, quand même, au début. Bah moi j'y ai cru, je me suis dit putain c'est pas possible quoi, ils vont pas nous faire des... Non mais c'est-à-dire que quand en post-prod tu mets une petite musique cristalline derrière quelqu'un qui fait des grands yeux et grand plus c'est russe, forcément tu te dis elle a des pouvoirs, tu te dis... Oh putain. Ça fait un peu flipper quoi. Donc ils vont chercher le crâne de plastique et en fait il se trouve que le crâne de plastique est magnétique. Donc Indiana qui est super malin, il trouve direct la solution, il dit qu'il va balancer de la poudre et tout machin. Il se trouve que voilà la poudre est attirée par le crâne de plastique. Mais la poudre est attirée par le crâne de plastique à l'autre bout de l'entrepôt, mais il n'attire rien d'autre de métallique dans l'entrepôt. On sait bien parce que normalement, genre typiquement, tu roules en bagnole, tu passes à côté, bam, tu prends les cartons. Quoi. Donc voilà, après ils trouvent la boîte, ils ouvrent le crâne de plastoc. Il y a ma montre par contre sur l'écran. Hein, qui... J'ai trouvé ça étrange. Et dans la boîte, il y a ce sarcophage en latex bizarre, digne d'un des plus grands clips de Lady Gaga, quand même. Ouais. Enfin... Et elle va le disséquer. Il y a un truc, donc tu vois direct qu'on parle de E.T. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mystère de qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. On l'ouvre et elle lui plante un couteau dedans. Pourquoi il n'avait pas ouverte avant cette boîte? Genre, tu sais, le mec qui a découvert la boîte. Parce que les Américains, ils ont du respect. Il n'y a que les Russes pour violer une sépulture. les Américains, ils l'enferment dans un entrepôt à côté de faire des essais nucléaires. Il y a du respect pour les sépultures aliens, quand même. Et donc voilà, notre ami Indy se fait trahir par son pote. Et là, c'est la déception, hein, quand même. C'est à ce moment-là que la musique se déclenche, je crois, pour la poursuite. Tintin, là on l'entend. Moi j'ai eu l'impression que c'était la musique qui l'aidait à s'échapper. Je me dis, bon, il y a la musique, c'est bon, il va partir. Donc il s'échappe plutôt pas mal. Hein. Là pour le coup, pour un vieux, il s'échappe bien. Hein. Il s'en va pas mal. Oui, ça va. Et où est-ce qu'il tombe? C'est ça surtout. Alors moi, voilà, il va tomber dans un. un espèce d'endroit où on fait des essais tunnels avec avec un véhicule qui me rappelle la machine dans Time Cop. Mais grave. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que Spielberg s'en est inspiré. Oui. Surtout qu'il y a le même gag avec oui, les mecs qui sont brûlés. Le réacteur s'allume et les mecs sont enflammés. Ils se font flamber. Moi j'ai cru qu'ils allaient retourner dans le temps. Il y a le véhicule de Time Cop et il y a le frigo d'Au revoir à jamais. Donc le frigo. Parlons-en, vas-y. C'est directement frigo. Genre personne ne parle de marmotte par exemple. Marmotte. Genre ces plans marmottes dégueulasses en 3D, déjà je pense pas que ce soit des marmottes parce que les marmottes ne sont pas dans le désert, sont en montagne. Mais on dirait des marmottes, je suis désolé. À la base c'était un placement produit pour Milka et ils l'ont enlevé. Donc du coup il y a juste des petites marmottes et on ne sait pas pourquoi elles sont. Et là ils se baladent à tout hasard dans le désert parce qu'ils se retrouvent après sur ce petit véhicule, sur ce chariot enflammé, ils se retrouvent en plein milieu du désert. Et en fait non, il est dans un endroit d'essai atomique. Ça n'a les villages tests. Ouais. C'est les villages tests, ouais. C'est des faux villages. Dans ce film, on va step up au niveau d'Indiana Jones. C'est-à-dire que d'habitude, il court devant des explosions, tu sais, des petites explosions de maison. Là, carrément, il va courir devant l'explosion nucléaire. C'est vraiment le même côté lucide. C'est Hiroshima, hein, en fait. Hein, Hiroshima des États-Unis. Non, mais il y a le vrai. Plus, je pense qu'ils sont pas aussi cons pour faire péter ça au milieu de leur pays, tu vois. Je pense qu'il y a plein de pays d'Asie où tu peux faire des tsunamis en envoyant à 100 km. Pour que ce soit très réaliste, dans le frigo, ils mettent de la vraie bouffe. C'est quand même important pour on ne néglige aucun détail. Alors quand tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort. Par contre, la télé fonctionne et elle capte. Donc notre ami se réfugie dans un frigo de marque. Bah, en fait, non, mais très bonne facture. Il arrive dans ce faux village en fait et il se rend compte que finalement il y a un essai nucléaire qui va. Le truc qui se déclenche. Là, c'était l'éléphant. Ça, il y a une attaque nucléaire qui se déclenche, donc pour se planquer, pour se protéger, ils se mettent dans un frigo et ça va lui sauver la vie. Sachant que les Russes sont aussi dans le village et qu'ils partent en voiture, mais bon, ils n'ont absolument pas le temps de partir de cette explosion, on est d'accord. Ils sont dans le village parce qu'ils cherchent Indiana Jones pour le tuer, pour lui mettre une putain de balle dans la gueule. Mais il le tue pas. Et là, après ça, lui, au moment où il voit que c'est un village du test, les Russes s'en vont, il fait « Attendez, sauvez-moi !» De toute façon, s'il s'arrête, c'est pour te flinguer. Trouve une autre solution, tout de suite, quoi. Bon, il arrive à bon port grâce à ce frigo qu'il envoie dans les airs. Voilà, le frigo est éjecté. C'est vachement bien, quand même. D'abord, il s'enferme dedans, c'est important de le dire. Oui, il s'enferme dans le frigo, c'est ce qui va lui sauver la vie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que les Américains, pendant une attaque nucléaire, ils vont tous crever, mais ils auront des aliments frais. Malgré la tête nucléaire, c'est ça qui est bien. En fait, tout ça, c'était pour tester la qualité des frigos. Voilà, là, franchement, moi, j'ai envie d'en acheter. Hein. On n'en fait plus des comme ça, hein. Moi, je peux pas vous le dire. Après, il y a tout le truc, quand même, après, avec le FBI, la CIA, on ne comprend pas trop, mais en gros, on sait qu'on est dans la chasse aux sorciers, et machin, et truc. J'ai pas réussi à le dire. Et après, il y a vraiment cette thématique qu'on va retrouver pendant tout le film. Et en fait, je pense aussi que c'est pour ça que ce film est relativement gonflant. C'est les temps ont changé et je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il le dit pas mal. Ouais. Il le dit tout le temps, quand il sort du frigo, genre, oh là là, putain, je suis trop vieux pour ça, quoi. Bah, mec, tu viens de te taper une explosion nucléaire dans un frigo. Ouais, je comprends, ouais. Bah, d'ailleurs, il est trop vieux et quand il revient à l'université, il est bien content parce qu'il a repris sa petite vie normale et il est très content d'être. Tu vois, genre, moi, j'ai survécu à une explosion nucléaire, mais bon, allez, j'écris des trucs sur le tableau et je fais des cours. D'ailleurs, ses étudiants ont l'air complètement débiles parce qu'il dit quoi? On va faire la différence entre. La prochaine fois, on va parler entre les. Les migrations. Bon, ils sont à la fin. Mais d'ailleurs, moi, il y a une question que je me suis posée à ce moment-là et que je m'étais déjà posée en voyant les autres Indiana Jones, c'est quand il se barre faire ses aventures. Le mec laisse la fac en plan, il en a rien à battre, quoi. Ouais. Non, mais il doit mettre des petits mots au tableau des profs, tu sais. Non, mais sinon, toutes ses aventures ont lieu pendant la Toussaint. pendant ses vacances, j'ai 15 jours pour le trouver, le Graal. Et donc après il fait la rencontre avec ce jeune homme hein, qui ressemble à Renan Luce, hein, je sais pas si vous trouvez. Ouais, Renan Luce déguisé en Marlon Brando en fait. Qui a un perfecto, qui est assez classe. Hein. Moi je le trouve pas mal en fait. Dans ce film. Bon, on en parlera plus tard après l'émission en fait. Mais donc, Renan Luce. Il le rencontre et puis bon bah le cycle de Indiana Jones. Pas le Renan Luce. Hein. Le cycle Indiana Jones continue. Grosse poursuite, voilà, hein, c'était évident. Grosse poursuite à moto. À moto, hyper classe quand même. Non, mais on peut reconnaître qu'elle est vraiment sympa cette poursuite. Ouais. Mais avant la course poursuite, ils se donnent rendez-vous dans un dinner, enfin pour boire un milkshake. Ah oui, bah oui, c'est avant. Oui, c'est avant. Dans un troquet. Et en fait, cool. Ce qui est marrant, c'est que Il y a une serveuse qui est probablement la plus mauvaise serveuse de l'Ouest. Oui, je pense que non, mais son patron devrait se faire du souci. Je pense qu'elle est sous GHB parce que c'est à dire que tu peux lui enlever n'importe quoi sur son plateau, elle s'en rend compte de rien. Oui, parce que chez Leboeuf, c'est un petit voleur quoi. Il a un petit couteau à cran d'arrêt, un perfecto. C'est le bad boy ultime. Qui est amoureux de sa moto, puisqu'il va la trimballer partout. Ah oui, il va l'emmener où sa moto. Donc oui, il y a forcément les Ruskov qui sont là, qui observent, et puis pour échapper aux Ruskov, pour le début de la poursuite, ils déclenchent une baston. Décident de déclencher une baston. D'ailleurs, ça part au quart de tour, les gars sont super nerveux. C'est là qu'on se rend compte que dans les 50 aux États-Unis, t'avais juste deux manières de t'habiller. T'avais soit un teddy, soit un bouson de cuir. Et donc voilà, voyage Pérou, justement avec la moto. Juste avant, moi j'ai remarqué à la fin de la poursuite, c'est-à-dire ils sont enfin débarrassés des Russes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Indiana Jones. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le retrouver dans un troquet et tout, machin, en plein milieu de je sais pas où. Surtout qu'il allait partir en train. Il s'en débarrasse. Il semble. Et le mec rentre chez lui. C'est-à-dire que les mecs l'attendent pas chez lui, quoi. Et après ça, il est tranquille. Bon, alors, je vais déchiffrer cette lettre. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'en fait, très vite, dans la course-poursuite, on passe dans des petites ruelles pavées. C'est-à-dire qu'on passe directement des États-Unis à Dijon, quoi. Ouais, c'est avec plein de sens interdits. Voilà, donc on part au Pérou avec la moto, justement, et là on arrive dans un Pérou. Avec la moto. Quand même. Et là on arrive dans un Pérou fantasmé, hein, quand même, hein, parce qu'il y a des Indiens, il y a des ruines, et donc ils partent à la recherche. Enfin, 1950 au Pérou, c'est on est en l'an 1000, quoi. Oui, donc on a un point de vue américain. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font? Bah, je sais plus. Ils vont à la poursuite de Huxley, là, c'est ça? Ils vont chercher son pote. On va pas décrire l'histoire. Elle est à la fois simple et en même temps galère à expliquer, mais en gros, il trouve que c'est dans un cimetière et donc faut aller déterrer le truc d'un conquistador. Donc et après, je vous le demande, hein, dans un cycle Indiana Jones, après la poursuite et le voyage, qu'est-ce qui se passe? Un temple peut-être. Ouais, un temple, un tombeau. Voilà. Vous passez direct au temple. Vous passez pas dans la cellule où il y a ces superbes inscriptions gravées au sol. Ah oui, qui nécessite, je pense, 8 ans. Un marteau piqueur, je pense vraiment. Et il y a aussi le. Après ça, ils vont déterrer le corps, mais un truc qui me fait marrer, c'est, au lieu d'attendre demain matin, on va y aller ce soir, puisqu'il y a de l'orage. Et puis tous les deux, vu que c'est un tombeau extrêmement flippant. C'est clair. Après, je sais plus ce qui se passe, moi, il faut m'aider, là. Et ils se font attaquer par Wang Wang. Ils se font attaquer par des Yamakasi Ninja. Ah oui, d'ailleurs, moi, j'ai pas compris qui c'était. Font des cris de Gremlins, d'ailleurs. Ouais, moi, j'avais écrit enfant nain de 8 ans qui fait du Kung Fu. Est-ce que vous connaissez ce nanar, là, le faux James Bond avec un petit acteur nain qui s'appelle Wang Wang? Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Ouais. J'ai pas eu le temps. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, donc lui, il vient protéger ce temple et tout. On ne va jamais le revoir du film. Et on ne sait pas qui c'est. Les trois gars avec les masques, là. Ouais. Oui, mais ça, c'est complètement débile. Ouais. Après, moi, j'y ai réfléchi, je me suis dit que c'était les gars de la fin aussi, les Indiens, mais c'est pas non, c'est probablement c'est pas ceux qui étaient dans la voiture au début. Au moment Mais c'est des Russes, c'est qui? Je comprends pas. On les aperçoit dans le troquet, à un moment, ils boivent un milkshake au comptoir avec leurs masques. Ils ont 8 ans. Voilà, en tout cas, la tombe est super bien éclairée. Je crois que l'Indien Nazca avait fait appel au chef-op de Spielberg pour éclairer sa tombe, pour que ce soit joli, parce qu'il dit, je vais me faire une belle tombe, parce que ça, surtout, je reconnais la patte. En pleine nuit, je sais pas comment ils font. Ah ben, ça a été conçu par un Evie. Donc voilà. Ils se font capturer et tout. Qu'est-ce qui se passe après? Ils vont dans la jungle. Ils sont capturés, ils vont dans la jungle, c'est ouais, ça? Ouais, ils sont capturés. Donc, Indiana Jones se fait capturer. Ouais. Et puis là, il y a l'expérience avec le crâne. Ah ouais. Donc là, par contre, là pour le coup, chauffer le cerveau, c'est ça. Là, pour le coup, depuis le début, en fait, quand tu regardes Indiana Jones, tu scrutes en disant bon, allez, j'espère qu'il va pas mettre trop de surnaturel parce que c'est pas trop l'univers d'Indiana Jones. Bam, hypnotisation par le crâne en plastique. Ça m'a dégoûté de dingue, quoi. Bah déjà dès le début, hein, tu te sens que ça va virer, quoi. Tu sens que il va y avoir un souci avec le crâne de plastique, quoi. Dès que tu vois George Lucas dans le générique, tu dis qu'il va y avoir un souci. C'est ça, peut-être. Bah en fait, ça, George Lucas, il a pas compris que c'était Indiana Jones, il a pensé Star Wars, quoi. Il fait, on va mettre des extraterrestres. Ça se passe pas sur Tatooine. Je les imagine en meeting, tous les deux. Mais t'es sûr, là, pour l'extraterrestre? Ouais, ça va déchirer. Ouais. Attends, j'ai fait un autre film, j'en ai mis plein et c'est pas ça fonctionne. J'ai cartonné. Genre, en consultant de Spielberg, que je me permets de dire qu'à mon avis, c'était vraiment une volonté de Spielberg depuis très longtemps de faire ça, en fait. C'est juste que là, il s'est lâché. Oui, il a fait mettre des aliens partout. Bah, il a vraiment fait rencontre du troisième type 2, pour le coup, mais j'ai l'impression. Bah, ouais. Donc voilà, il retrouve notre ami Huxley, qui est complètement déglingos, hein. Il est en train de danser, qui est interprété par Jean Rochefort. Qui est en train de faire du bâton de pluie devant un feu. On se demande s'il a pas fait des bolasses avant, on sait pas trop. Ah bah, c'est le moment où il y a l'écriture spontanée Pictionary aussi. Ouais, Un pont. Et enfin là on en a pas parlé, mais je pense qu'on l'a volontairement occulté parce que c'est l'enfer. Mais il y a la scène de ménage. Ouais. Il y a la scène de ménage avec avec sa gonzesse du 1. Ouais, ouais. Qui est la mère de Shia LaBeouf. Et elle est chiante. Alors, le 1, elle était chiante déjà. On va éviter d'en parler trop dans ce film, mais juste le joli maintenant, elle est chiante quoi. C'est-à-dire, elle a peur de rien. Elle saute d'un ravin avec le camion, après ça, C'est pas son meilleur rôle, Sabine Azéma quoi. Donc après, bon bah pareil, hein, cycle Indiana Jones, sable mouvant. Tac. Ouais. Bon, c'était juste pour l'anecdote. Petit clin d'œil. Vous avez remarqué quand même, forcément. Ils se font courser en fait par les Russes dans la forêt, parce qu'ils s'échappent en fait. Ils s'échappent en deux secondes. Ils tombent dans les sables mouvants, manque de bol. Mais à partir du moment où ils tombent dans les sables mouvants, plus de Russes. C'est pas où ils sont. Mais le Russe est pas à l'aise. Hein. C'est pas son élément naturel. Oui, genre, c'est pour ça. Il faut aussi parce que c'est à ce moment-là où ça a commencé à devenir fatigant. Dans ce film, il n'y a que je me fais capturer, je m'évade. Je me fais capturer, je m'évade. Je me fais capturer, je m'évade. Ça ne s'arrête jamais. Donc là, ils vont s'échapper avec les salomans, ils vont se faire capturer. Après, il va y avoir la poussée dans la jungle, ils vont s'échapper, ils vont se faire capturer. Et ça va jamais s'arrêter. Il y a juste un moment où ils se font capturer. Ah oui, il y a aussi un autre truc. C'est que dès qu'Indiana Jones réfléchit, il réfléchit tout seul à haute voix, comme dans Tintin. Et il fait, donnez-moi une balle, donnez-moi un stylo, donnez-moi du papier, donnez-moi une pierre, donnez-moi une boussole. Et à chaque fois, il demande un objet, tu sais, genre, il a besoin d'un objet. Et à chaque fois, c'est la Russe qui lui donne, tiens, ben voilà, c'est oui, bon. Puisque les Russes, assistant personnel, quoi. Quand il réfléchit ou quand il s'engueule avec sa femme, les Russes sont là, ils disent rien, ils disent pas rien. Ils sont là, ah bah regarde, c'est un spectacle d'Indiana Jones, ils sont On en a pas trop parlé des Russes, quand même. Ils sont plutôt cool, hein. Ils ont des sourires inversés, ils disent un mot sur deux, c'est des Russes, quoi. Ouais. Et donc après, On parle des Russes, c'est le moment. Ah, c'est eux. Parce que c'était le moment d'élire la star du film. Ouais. Et je pense que cette semaine, l'unanimité, c'est l'accent russe, la star de ce film. Ça, c'est sûr. C'est l'accent qui est omniprésent. Où l'avez-vous trouvé? À Mexique. Il faisait trop dans la terre pour trouver cette chance. Dites-moi d'où est-ce que vous vous imaginez que je viens, professeur Jones? Pas de commentaires provoquants, professeur Jones? Vous suivrez nous sans faire histoire. Et prendre lettre M. Williams donnée à vous. On vous dira qu'une fois, suivez-nous, bien nous allons. Une chance que nous n'ayons pas réussi à vous tuer, professeur Jones. Votre survie va encore vous permettre de vous rendre utile. Professeur Jones. C'est bizarre quand même d'avoir laissé ce rôle à Kate Blanchett, la rôle de Russe. Sachant qu'elle est japonaise. La fameuse Blanchett japonaise. Total impro, évidemment. J'imagine. Mickaël n'a pris que 3 notes ce soir. Et c'est une des 3. Donc voilà. Et donc, on a le choix ou c'est forcément l'accent russe? Non, c'est l'accent russe. Bah, toi, t'aurais dit qui? Bah, je sais pas. J'avais pas réfléchi à la question en fait. Bon bah du coup, t'as qu'à voter ça et on est dans le okay. Donc voilà, là je vous propose un petit truc, une petite poursuite peut-être, non? Petite poursuite dans la jungle? Poursuite et combat d'épée, comme on n'aura pas le temps d'en faire une après, on va la faire pendant la poursuite. Bah ouais, parce qu'on sait dès le début que c'est un expert des armes blanches. Oui. Donc il fallait bien l'utiliser. Tu parles du fils Parce que cette préparation paiement est très bien faite puisqu'il dit qu'il va à l'université et qu'il prend des cours d'escrime. Je pense aussi qu'il prend aussi des cours de souplesse parce qu'il fait une Vandame entre deux bagnoles avec un grand éclat. Alors moi ce que je trouve assez marrant c'est qu'ils sont quand même armés jusqu'aux dents, ils se tirent dessus, mais ils préfèrent se faire un duel à l'épée quoi. C'est limite si ils s'attaquent pas à la graffeuse quoi. Donc ça cette scène elle est longue hein. C'est très long. En plus c'est pas très beau je trouve hein. Et puis les singes en 3D autour avec les lianes et tout ça. J'ai l'impression d'être dans Ace Ventura en Afrique, hein, vraiment. Est-ce que vous avez déjà essayé, faire une liane, c'est-à-dire tu vois, tu prends une liane et tu sautes dans l'eau, ça t'y arrive. Est-ce que tu as déjà essayé de passer d'une liane à l'autre? C'est extrêmement dur. Ouais. Là, il va traverser toute la jungle. On sent que t'as fait accrobranche toi ce week-end. Hein. Est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre des singes à votre cause? Parce que ça, c'est vachement dur aussi. Franchement, je trouve ça super bien. Donc, il passe d'une poursuite de 20 minutes dans la jungle, en pleine jungle. Hein, t'es en pleine Patagonie. à un ravin de 800 mètres. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont sur quoi là? Non mais c'est vrai que c'est bizarre. Ah oui, parce ce qui est marrant, c'est que aussi les Russes, ils ont une machine pour tracer des autoroutes dans la jungle. Ça dame carrément derrière, les bagnoles vont à 110 km dans la jungle derrière. C'est dit, putain, mais je la veux cette machine. Je vais faire du pognon sans déconner. Alors, moi justement, j'ai fait des recherches par rapport à l'univers et en fait, ils sont sur Pandora. Ah, ça m'étonnerait parce qu'il fait vraiment nuit hein, quand il fait nuit quoi. Enfin oui, pseudo nuit quoi. Mais il y a le pareil, il y a ce truc-là, à un moment, donc ils perdent Shia LaBeouf parce que lui, du coup, il décide un peu de s'amuser avec les singes. Ouais. Ils ne sont pas du tout inquiets. En vrai, dans cette jungle, tu restes une minute tout seul, tu meurs. Enfin, il y a trop d'objets dangereux, quoi. Bah, ça dépend si t'as des singes avec toi. Moi, je peux y rester longtemps avec des singes. Mais tu te dis, s'ils les rattrapent pas, ils le retrouveront jamais sur quoi. Il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Merde, il est où? Je crois qu'il était par là, il me semble. Et tu le retrouves, il s'est fait un petit village avec les singes et tout. Il y a un truc dans une noix de coco. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme animaux là? On a eu les singes, on a eu les serpents. Qu'est-ce qu'on va avoir? On avait pas la blanche. Non, non, attendez, on va avoir surtout les fourmis rouges géantes. Ah, oui, ouais. Elles sont ultra vénères. Cette scène, ouais. Moi, je la trouve cool. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Parce que les fourmis crient carrément. Elles font... Non mais. Et elles sont intelligentes parce qu'elles doivent attraper un truc, elles vont faire une pyramide. Non mais je sais pas, je la trouve assez bien faite et j'ai kiffé là. Ouais. Franchement, ouais. J'étais trop content. Il y a les fourmis et il y a les balablans aussi. Parce que je sais pas si t'as vu le nombre de rafales de calage qui se prennent tous dans la gueule. Ah, ouais. Ils ne se font jamais toucher. Mais personne ne se fait jamais toucher en fait dans le film. Mais d'ailleurs, les fourmis sont ultra violentes, elles bouffent tout le monde. Par contre, elles sont capables de faire des échelles sur elles-mêmes. Mais dès qu'il y a la bagnole qui arrive, elles ne montent pas sur la bagnole. Là, j'ai pas compris. Tu sais, Ruskov à la fin. Bon, je fais une autre devinette. On a eu des temples, on a eu des montagnes, on a eu de la jungle. Qu'est-ce qui nous manque? Une cascade? Bah voilà. Je suis hyper fort à ce jeu. C'est-à-dire que dans Indiana Jones, c'est sûr que si t'as un cours d'eau, bah t'as une cascade. Ouais. Bon là, ouais. Comme on a step up, il y en a trois carrément, hein. Ça va aller. Trois cascades. Et ils ont pas l'air d'être trop abîmés en fait. Ah, mais déjà, ils ont la chance qu'ils sont dans une voiture bateau. Il faut le remarquer quand même. Ouais. Le seul véhicule amphibie qu'a. Il y a quand même un truc, une question que je me pose, c'est que le traître, qui le trahit dès le début, il revient. Ah oui, mais en fait, il le laisse venir avec eux, tranquille. Bon, c'est le mec le moins fiable du monde. Bon, tu vas peut-être venir avec nous, on va pas le laisser tout seul. Mais non, il y a la théorie de l'agent double. Mais oui, ah, mais oui, c'est vrai, il y a la théorie de l'agent double. On était agent double tous les deux, à tel endroit, vrai. Machin et tout. Alors que, bon, on sait pertinemment que... Ouais, c'est vrai. C'est pas un agent double du tout. Après ça, ils arrivent à un moment... au cul des trois cascades, donc ils viennent de se taper les trois chutes de 160 mètres. La troisième est violente. Hein. Donc au lieu d'être morts, ils sont tous là tranquillement dans un bassin. La troisième, elle est plus violente parce que c'est la seule où ils sont pas dans le véhicule au terme de la cascade. Et ils atterrissent dans un bassin de 30 cm de profondeur parce qu'ils se tiennent debout dans l'eau. Ouais. Et à un moment, donc ils repèrent l'endroit où ils doivent aller. Oh là là, c'est là-haut. Et ça, coup de chance, hein. Ça a l'air... Alors déjà, coup de chance. Ensuite, ça a l'air d'être à 100 mètres de hauteur, à 300 mètres, ce truc-là. Non, mais ils ont suivi les dessins du Pictionary. Il faut aller là-bas. Là, c'était ça, c'était le dessin du Pictionary. Ouais, c'est ça qu'ils ont trouvé. Et le plan d'après, ils sont directement là-bas. C'est-à-dire qu'ils se sont tapés une session d'escalade ultra vénère. En même temps, ils étaient pas trop fatigués, là, ça va, quoi. Attends, ils avaient le cul posé dans la bagnole pendant toute la poursuite. Ça faisait un moment qu'ils s'étaient pas foulés. Et donc là, ils arrivent dans le temple, hein, encore une fois. Hein, une grotte, ils traversent une grotte avant. Ouais. Parce qu'ils se font attaquer justement par ce fameux peuple qui dort depuis 2000 ans. Voilà, c'est ça. Et qui dorment dans les murs. Je préfère encore être un avis que ces trucs-là, quoi, parce que là, vraiment, ça ressemble un peu. Tu te fais chier, quoi. Les mecs, ils sortent des murs. Ouais. Ouais. Bon, moi, j'ai plus rien noté à partir de là, parce que je sais pas. Ouais. Je crois que j'étais un peu saoulé à ce moment-là. J'en avais un peu marre. Donc, je sais pas. Moi, à part le temple, je sais pas quoi vous dire. Bah après, déjà, est-ce qu'on peut parler de Huxley, qui est en fait le père adoptif de Shia LaBeouf? Qui est devenu fou et personne n'en a rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire, il est même pas. C'est son père adoptif. Ouais, son père. Qui va assister au mariage à la fin. Ouais. Je suis désolé, je spoil. Et il est content. Mais oui, mais c'est quoi, c'est un énorme problème. C'est un ami. Oui, c'est vrai, mais il a chopé sa femme. Il a chopé sa femme. Non, ah non. Pour moi, Huxley n'a pas chopé. Bah, c'était pas clair, mais bon, il doit être un peu amoureux pour avoir élevé son gamin quand même, tu vois. Tu te fais pas chier être un beau-père si tu niques pas la mère, quoi. Bon, il faudra éclaircir tout ça. Et non, mais après, bon, ça c'est un problème qu'il y a dans tous les Indiana Jones, mais je sais pas, dans celui-là, il passe moins, mais comment ça marche, toutes ces machines en pierre, sachant qu'il n'y a mais pas d'électricité, et il y a plein de déclenchements qui ont l'air hyper électroniques, à l'air le portail, c'est un flipper, quoi, là. Ding, ding, ding, ding. Et le truc, c'est tout a l'air super automatique, mais putain, ils ont fait ça avec des bambous, des lianes et de la pierre, quoi. Non, mais c'est-à-dire que j'imagine l'armée d'un cas, tu sais, qui vient pour mettre les pièges au point, et fait, bon, bah, c'est bon, ça marche, là. Là, on peut s'en aller. Ah, mais ça sert plus à rien, hein, parce qu'on a mis des heures à régler le truc, hein. On peut laisser le truc pendant 2000 ans, il n'y a pas de problème. Et ouais, bah là on a un petit peu peur parce qu'on sent, on sent leur arrivée, l'heure où on va y avoir du crâne de plastique à gogo. Et, moi j'étais inquiet, hein, je sentais que ça allait tomber. Spoiler, voilà, il y a de l'extraterrestre, il y a de la soucoupe volante, et il y a du passage dans une dimension qui est parallèle. Et ouais, on se contente de ça ou Bah après ils arrivent sur un, moi encore un truc qui m'a fait marrer, mais bon, tout vient de s'effondrer, ils sont en haut de la montagne. Il y a des pierres qui tournoient dans tous les sens et ils font putain. Il y a des pierres qui tournoient dans les arbres. C'est la merde et tout. Comment on va faire pour rentrer? Et le plan d'après, ils sont rentrés. Parce qu'à mon avis, toi, tu meurs là-haut. Hein. En fait, il y a rien pour descendre. T'es Kevlo, quoi. Ouais, non, mais ils sont assis sur le bord. Et on parle pas de cet extraterrestre genre horrible avec ses yeux verts perçants qui vient brûler les yeux de Kate Blanchett. Mais parce qu'elle est russe. Parce qu'elle est russe. Parce que ça, c'est vraiment la plus grosse blague de ce film, quand même. Parce que en fait, c'est quoi? Ils lui font semblant, les extraterrestres font semblant. Ouais, je vais te donner le pouvoir. Reste là, je t'envoie des, je t'envoie ouais, des là, trucs. Partez-vous, mais toi, Kate, reste ici. Je te montre un peu le pouvoir. Et après, il la défonce. Surtout qu'elle veut la connaissance. Comme si c'était genre normal, en fait. Enfin, comme si tout le monde se comprenait dans un monde où les extraterrestres étaient là depuis des années et attendaient Kate Blanchett, en fait. Mais du coup, son but, c'est quoi? C'est d'avoir juste la connaissance pour elle. Ouais. Ou alors avoir la connaissance pour servir l'URSS. Bon. Servir la mère patrie. Oui. Bah, bien sûr. Parce qu'une fois que t'as la connaissance, t'en as plus rien à foutre de l'URSS. Bah, je pense qu'après, tu deviens Lucie, en fait. C'est ça. Mais, et je pense que c'est... Donc, on est d'accord qu'on a fait référence à tous nos podcasts. Un seul épisode. Mais faut les écouter. Les autres. Après, bah, je pense que tu pouvais pas faire plus nul que la scène de l'extraterrestre. Si, la scène de mariage. Et on dit pas que le temple se transforme en soucoupe volante. Excusez-moi, mais moi, ça me tient à cœur quand même. Bah, pourquoi? Ça pose un problème. Donc je pense que pour les plans, les Incas là, ils ont dû être aidés par les extraterrestres du coup. Tu crois? Ouais, je pense. Que c'est mettez plutôt ça là parce que nous il y a le toit de la soucoupe qui va être là. Mais il y a pas une théorie comme quoi les extraterrestres sont les Incas, sont aussi le même peuple? Même les pyramides en Égypte et les pyramides au Mexique c'est et au Pérou sont situées exactement de la même façon, enfin dans le même agencement. Mais ça du coup ça serait par rapport aux étoiles parce que apparemment à l'époque ils se référaient aux étoiles et voilà quoi. J'y crois ça. Bah, mais après, c'est peut-être les extraterrestres aux yeux verts perçants qui donnent la connaissance. Moi, je pense que c'est eux. Bon, alors. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même, juste au passage, il y a une petite référence au 3, à un moment, il est dans son bureau, puis il y a une photo de son père. Et de son ami aussi. Oui, ouais. C'est vrai. Mais moi, je trouve c'est bizarre qu'il y ait pas un de ses collègues qui lui dit c'est bizarre d'avoir une photo de Sean Connery. Putain, ton père, c'est Sean Connery. Bon alors les gens n'ont pensé quoi de ce petit film? Vous allez voir. C'est toi Mickaël aujourd'hui? Attends, mais tu voulais pas parler de mariage avant? Bah le mariage, moi j'ai rien à dire, à part que j'ai saigné du nez quoi. Okay. Pourquoi t'as un truc à dire sur le mariage? Non, c'est bon. Bon. Bah dis-le, si t'as un truc à dire, dis-le maintenant ou tais-toi jamais quoi. Transition mariage. Alors je suis très contente qu'à la fin ce chapeau donc qui est subtilement enlevé par un coup de vent dans l'église et qui tombe par terre et Shia LaBeouf va pour le ramasser. Je suis très contente qu'il ne le ramasse pas parce que je me serais pas vu regarder un Indiana Jones 5 avec Shia LaBeouf. Attends, mais je crois que c'était en projet à un moment, je sais pas si c'est le cas, mais je crois que c'était en projet à un moment. Ils avaient tourné les scène, en fait, et je suis content qu'il appelle Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Le beauf, ouais. Donc c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un deuxième avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul, tout le monde en a un. Bon alors, les avis, hein. Allez, Amazon ou Allociné? Oh bah les deux, parce qu'il y a du bon partout, hein, vraiment. Ouais, il y a du bon. Alors on va commencer par Guibert. Qui n'a rien compris. Normal qu'il n'ait pas compris. Alors, pour ceux qui ont aimé les autres films, n'hésitez pas, c'est une très bonne suite. Et ils ont réussi à vieillir Indy. En fait, ils sont pas vieillis tout seuls, quoi. Elles sont vachement bien faites, les images de ça. Comment ils ont fait? Le seul hic du film, c'est que la guerre avec les Allemands a duré 60 ans, car ils sont toujours présents malgré l'âge avancé d'Indy. Ah, c'est les Russes, quoi. Ouais. Non, mais il l'a regardé sans fond, et c'est pas possible. Non, mais le mec, il a dû voir dans l'avion en japonais. Bon, il a pas les sous-titres, je le regarde quand même. Non, mais c'est... Alors, on a Darksbore, qui lui a bien compris que c'était les Russes, hein, parce qu'il dit « Magnifique, j'ai trouvé ce film très bien. Malgré quelques scènes de comédie inutiles, il y a de l'action, de l'aventure. Bye bye les boches et bonjour en Ruskov. » Alors, il y a Irvins, j'ai voulu le mettre, j'ai trouvé ça drôle parce que, en fait, il se permet de citer le thème musical de Indiana Jones, sauf que quand tu comprends pas, au début, tu dis juste tatalata, tatalata, tatalata. J'ai trouvé ça marrant, enfin bref. Ensuite, on a Blazer77 qui dit, il est drôle ça, mortel! je ne m'attendais pas du tout à ça. Les premiers épisodes sont géniaux, mais celui-là, c'est le mieux. Les effets sont exactement basés comme sur les anciens, ils sont géniaux. Attends. Il s'est rattrapé sur la conjugaison. Oui. Et ceux qui disent qu'il est nul, eh ben vous êtes des bouffons. Encore un ? Ouais, on a un petit dernier, c'est Free Free. Ah. Qui nous écrit, voilà, qui dit c'est tout simplement le cinéma tel que je l'attends. Ah non, attends, non, c'est Silweb, excusez-moi, c'est pas Free Free. Qui dit, ah messieurs les critiques, je comprends ce lynchage médiatique. Vous préférez regarder la nouvelle star que de sortir au ciné. Ne changez rien, restez devant votre télé, nous irons dans les salles de cinéma. Bon. Alors, on le conseille ou pas ce dernier, film si tu veux. Un dernier, voilà. Ouais, bon, dernier. Il dit, c'est tout simplement... Donc là, c'est Free Free qui nous dit, c'est tout simplement le cinéma tel que je l'attends. Et je plains ceux qui ne sont pas capables d'apprécier un spectacle tel que celui-là. Si pour vous, le cinéma, c'est se prendre la tête avec des histoires aussi insipides que la vraie vie, c'est sûr, passez votre chemin. Ah ouais, bah là, on en est loin. Le cinéma, c'est du rêve sur écran. Voilà, c'était notre avis et l'avis des autres sur Indiana Jones 4. Le crâne du cristal. Le royaume du crâne du cristal. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film et un autre chef-d'œuvre du cinéma à décortiquer. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.